qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un des plus grands criminels français que Franck Ferrand convoque aujourd'hui au tribunal de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le procès du docteur Petiot a choqué l'opinion au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme celui de Landru l'avait fait au lendemain de la Première. Je vais vous raconter les crimes abominables de ce Marcel Petiot, après quoi nous chercherons à savoir s'il n'aurait pas dû être considéré comme fou. J'ai invité pour en parler Claude Quettel, auteur chez Perrin, d'un livre intitulé « L'effrayant docteur Petiot ». Fou ou coupable, point d'interrogation. À la fin de l'émission, on vous répondra à la question de Sylvain sur les origines de l'autostop. Eh bien, disons que ça nous détendra un peu. En sortant du dossier Petiot, nous aurons peut-être besoin de détente. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ici même, sur l'antenne d'Europe 1, a été lancée à la fin des années 1970 une grande enquête menée par Pierre Belmar auprès des auditeurs et qui a permis de recueillir sur l'affaire Petiot quantité d'informations. Des informations qui ont été recueillies et mises en perspective par le grand Marcel Julian dans un ouvrage intitulé « Le mystère Petiot » qui figure d'ailleurs parmi les références du livre de Claude Quettel. Le grand auteur aurait pu écrire « mystère » au pluriel, tant cette affaire, 7 décennies plus tard, demeure riche en énigmes, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La première grande question qui se pose étant celle de la folie réelle ou supposée de Petiot, c'est le cœur même de l'ouvrage de Claude Quettel. L'affaire peut être la plus grande affaire criminelle du XXe siècle en France. Cette affaire est née au mois de mars 1944, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la toute fin de l'occupation, on est dans l'attente d'un débarquement annoncé. Elle naît à Paris, dans le 16e arrondissement, dans une rue de l'Étoile qui n'est pas très loin des studios d'Europe 1 d'ailleurs, entre l'avenue Foch et l'avenue de la Grande Armée, c'est la rue Le Sueur. Au 21 de cette rue Le Sueur, le 9 mars 1944, les voisins constatent que la cheminée principale déverse dans l'atmosphère une fumée grasse au relent plus que pestilentiel. La voisine d'en face, celle qui est Madame Marcet, elle habite au 22 de cette rue Le Sueur, se plaint de la fumée noire et grâce pendant toute la journée du 9, du 10 mars. Et il se trouve que le 11 mars est une journée particulièrement printanière, avec un grand ciel bleu. Il fait même particulièrement chaud, ce qui fait que les voisins ont tous ouvert en grand leurs fenêtres et que cette fumée rentre chez eux. Ce qui fait que lorsque Monsieur Marcet rentre chez lui à 18h, sa femme n'en peut plus, elle est au bord de la dépression nerveuse. Elle dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Alors Monsieur Marcet descend, il va voir en face, il s'est orienté par rapport à la cheminée, il va voir à la porte, la grande porte cochère du 21. Il sonne, il frappe sans résultat. Et puis il se rend compte qu'il y a une pancarte sur la porte qui indique « Absent pour un mois, s'adresser et faire suivre le courrier 18 rue des Lombards à Auxerre ». Ah bon, alors Monsieur Marcet se dit « Mais donc que l'habitant, l'occupant de l'immeuble n'est pas là, il va donc prévenir le commissariat de police ». Et c'est comme ça que deux agents de police à bicyclette, faisaient des hirondelles comme on les appelait, vont se présenter dans la soirée dans cet immeuble du 21. C'est la concierge d'à côté, la concierge du 23 qui arrive et qui dit « Oh mais je connais le propriétaire, il m'a confié sa clé, seulement récemment il l'a reprise. C'est un certain docteur Petiot, il est domicilié 66 rue Comartin et il m'a laissé son numéro de téléphone ». Pigalle 7711. Et elle ajoute, cette brave dame, que le docteur Petiot vient chaque soir à bicyclette, rue Le Sueur, et qu'il a pour habitude de traîner une espèce de remorque qui a l'air bien lourde, une remorque bâchée. Alors les policiers vont appeler au 66, enfin à Pigalle 7711, et on leur répond, alors c'est une voix féminine qui répond, nous aimerions parler au docteur Petiot. Et le docteur Petiot arrive donc. Allô, docteur, oui, il y a un feu de cheminée chez vous, rue Le Sueur. Bref silence, et puis le docteur pose la question. Est-ce que vous êtes déjà entré à l'intérieur? Oh non, non, pas encore. Bon, ben j'arrive, ne touchez à rien, dit-il, j'apporte les clés. Sauf que le feu en question ayant l'air important, les gendarmes, enfin les agents plutôt, décident de convoquer les pompiers. Ce sont les pompiers qui vont entrer dans l'immeuble, ils sont trois. Ils arrivent à la nuit tombée, ils parviennent à pénétrer dans l'immeuble, il fait nuit, ils s'orientent avec leur lampe torche. Il y a une espèce de pagaille épouvantable dans cet immeuble, les meubles recouverts de poussière, etc. Les pompiers passent par le palier, les voilà qui descendent. Ils sont guidés par l'odeur, il faut dire ce qu'il y a, cette espèce d'odeur qui devient de plus en plus entêtante, obsédante même. Ils descendent jusqu'au rez-de-chaussée, puis toujours par le prolongement du même escalier jusqu'au sous-sol, et là, il tombe sur une espèce de chaudière, pas une chaudière, il y a deux chaudières qui apparaissent dans le halo des lampes torches, et il y en a une qui a une la porte entrouverte, et par cette porte pend un bras humain, et sur le sol, des troncs humains encore sanglants, des crânes, et même un cadavre, ou plutôt un demi-cadavre, puisqu'il a été découpé, il a été scié dans le sens de la longueur. Les pompiers sont complètement révulsés par ce qu'ils découvrent, ils ressortent et ils lancent aux policiers, il y a du boulot pour vous là-dedans. Quelques moments plus tard seulement, va arriver un civil à bicyclette. C'est un homme de taille moyenne, il est plutôt mince. Il a le visage blafard, des yeux très remarquables, des yeux assez perçants, sous une chevelure brune assez épaisse. Et il se présente comme le frère du propriétaire. On lui dit de descendre sur les lieux mêmes du crime, si je puis dire, et il va découvrir effectivement l'horreur complète. Et à ce moment-là, il se dirige vers les policiers avec un aplomb incroyable. Il dit « Est-ce qu'on est bien entre Français ?»« Bah, je suppose, » dit un des policiers. « J'ai été enfermé par eux, » dit-il, « pendant 8 mois, par eux. Vous avez compris ?» Et là, il va se faire passer pour un résistant et il explique que tous les restes humains qui sont là sont des restes d'Allemands. « Est-ce que vous avez appelé les services de la PJ ?» dit-il. Alors le policier dit « Oui ». « Bon, ben alors le temps presse. Je suis chef d'un mouvement de résistance. Il faut que 300 dossiers disparaissent. Ce qui est en jeu, c'est la vie de beaucoup de patriotes. » Et alors là, nous dit Marcel Julien, et c'est vrai que c'est incroyable, il dit « Mais... personne à cette époque, pas un instant, les deux agents n'ont songé à mettre en doute ce qu'on leur disait. Ah bon, ben, disent les policiers, eh ben alors filez, on n'a rien vu. » L'homme enfourche sa bicyclette et le voilà parti. L'homme en question, vous avez bien compris que c'est le docteur Petiot en personne. Alors qui était-il, ce docteur Petiot? Il était né en 1897, il était né le 17 janvier 97 dans une famille de petits bourgeois tout à fait modeste. Son père était fonctionnaire des postes à Auxerre. On l'avait confié tout jeune à une femme qu'on appelait l'Henriette dans le coin, qui était très gentille, qui s'occupait bien de lui. Alors on dit qu'un jour le bébé, alors il est vraiment tout petit, mais déjà il l'avait cramponné par le visage et il avait serré jusqu'à la pincée jusqu'au sang. Vous voyez le genre d'enfant. Et puis plus tard, il avait été, mais vous me direz, ça fait partie des cruautés qu'on peut trouver chez d'autres enfants et qui étaient peut-être plus répandues à cette époque qu'à la nôtre, mais tout de même, il avait un petit chat qui lui servait de jouet, qui était son compagnon. Il avait été jusqu'à plonger les pattes arrière du petit chat dans de l'eau bouillante. Alors on avait vite sorti le chat, on avait bandé les pattes du pauvre chat, et alors il avait demandé l'autorisation de dormir avec lui pour se faire pardonner, le petit garçon. Oui, sauf qu'en l'occurrence, on avait retrouvé le lendemain matin le chat étranglé dans le lit. Vous voyez quand même un personnage assez étrange et qui pourtant manifeste dès sa plus tendre enfance une intelligence très vive. Il est remarqué par ses instituteurs et par ses professeurs pour cette intelligence, justement. Mais alors, avec toujours le goût du danger. On dit par exemple qu'il jetait des couteaux. Vous savez, il plaçait ses camarades sur la porte des toilettes à l'école et il jetait des couteaux qui parfois arrivaient à un millimètre du pauvre cobaye. Il faisait plus ou moins commerce déjà, alors qu'il est tout jeune. Hein, on parle de là, il a 12 ans, 12-13 ans, il fait commerce de clichés de photographies pornographiques. On sait pas tellement où il se les est procurés. Il avait aussi dérobé l'arme à feu de son père. Il avait tiré dans le plafond d'une salle d'école avec... Et puis, un jour, il est même allé jusqu'à se traverser la main d'une balle. Vous voyez, quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est en présence d'une nature complexe, assez difficile, dirons-nous. Et bien sûr, dans un instant, avec Claude Quettel, nous allons essayer de savoir jusqu'où cet homme-là était fou. À 18 ans, il est bachelier. On est alors en pleine guerre, on est en 1915, et il va devancer l'appel. Il sera incorporé le 11 janvier 1916. Il fait cette guerre comme on se lancerait dans une grande aventure, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, dans tous les témoignages qui avaient été recueillis, encore une fois, je le dis, parce qu'il faut être fier de notre passé, à nous aussi, Europe 1, dans l'incroyable enquête qu'avait menée Pierre Bellemare et qui avait permis de recueillir toutes sortes de témoignages, il y avait des anciens camarades de tranchée de Petiot qui disaient qu'il était, c'était une sorte de va-t-en-guerre, un personnage assez étrange, qui était en même temps un voleur, il faut le dire, en qui on ne pouvait pas avoir confiance, qui affichait en tout une sorte de flegme assez intéressant. Il est blessé gravement au pied en mai 1910, ce qui fait qu'il est ramené à l'arrière pour être soigné. Et là, il n'a pas l'intention du tout de retourner au front. Il va manifester des signes très avancés de déséquilibre mental. Et alors, il est là, il est réformé à 40% dans un premier temps, en 1920, parce qu'il va toucher une pension pour ça, bien entendu. Il est carrément déclaré réformé à 100%, ça sera ensuite ramené plus tard en 1923 à 50%. Ce qu'on peut se demander, c'est Alain Decaux qui pose la question, il dit « Que cela signifie-t-il? Pour toucher une pension, simulerait-il toujours ? Ou bien est-ce un dément qui a obtenu la mention très bien à son doctorat de médecine ?» C'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, parce que ce qu'il y a d'inouï dans cette histoire de Petiot, c'est qu'en dépit de cette maladie mentale avérée, en dépit de cette pension versée par l'État pour des déséquilibres mentaux et des troubles, etc., on va quand même le laisser faire ses études de médecine. Et d'ailleurs, tous ses copains, c'est les carabins, vous savez, les copains de l'école de médecine, disent qu'il avait un rire totalement troublant qui leur glaçait les sangs. Parfois, il partait d'un gigantesque éclat de rire. C'était un cynique, dira de lui un de ses camarades. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il est bien docteur en médecine. En 1922, il va s'installer à Villeneuve-sur-Yonne, dans une petite ville où il est un peu le knock local, si l'on peut dire. Il y a vraiment un peu un parallèle avec l'histoire du docteur Knock de Romain. Il est célibataire à l'époque, il a quand même assez vite une petite aide qui s'appelle Louisette. Un jour on retrouvera Louisette enceinte et puis un jour on retrouvera plus Louisette du tout parce qu'elle va disparaître corps et bien. Elle est la première d'une longue série. On dit d'ailleurs que le soir même de la disparition constatée de Louisette, monsieur Petiot, le docteur Petiot, était en train de faire une belle chape de ciment dans son garage. Enfin bon, on ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas? Il va, ça c'est très étonnant, devenir une sorte de notable local puisqu'il se présente aux élections sous l'étiquette socialiste. Il va être élu maire et donc il va devenir, non seulement il est le médecin préféré de son quartier, si je puis dire, mais il est tout simplement le maire de cette petite ville. Il va se marier d'ailleurs avec une certaine Georgette Lablais qui a 23 ans à l'époque et dont le père est restaurateur à Paris. Et alors c'est le restaurateur de la Chambre des députés, si vous voulez. Il y a énormément d'hommes politiques, de députés, etc., qui viennent déjeuner chez lui, ce qui fait que, j'allais dire Landru, pardon pour le lapsus, Petiot rencontre ces gens-là. Il veut faire une véritable carrière, hein, il ne faut pas l'oublier. Il a quelques casseroles assez tôt, notamment la laiterie de cette petite ville de Villeneuve-sur-Yonne va brûler, on va retrouver la femme du patron de la laiterie dans les décombres, on se rend compte qu'elle a été gravement blessée avant l'incendie, donc il y a bien eu crime, et il y a un témoin gênant, un témoin très gênant pour Petiot, qui s'appelle Frasco, sauf que ce Frasco, un jour, il a un peu mal, il se trouve qu'il boite, il a mal à la jambe, ben venez avec moi, je vais vous faire une piqûre, lui dit Petiot. Ah ben ça, pour lui faire une piqûre, on ne reverra pas non plus Frasco, on ne le retrouvera jamais, il ne pourra jamais aller témoigner, bien entendu. Je ris parce qu'il y a un côté humour noir dans tout ça, mais ce que nous allons vivre maintenant et ce dont je vais vous parler relève beaucoup plus que de l'humour, de l'horreur. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'affaire Petiot. Je vous ai dit tout à l'heure que le docteur Petiot avait quelques casseroles. Il en aura bientôt tellement qu'il lui faut s'installer à Paris. Il va s'installer dans le 9e arrondissement, donc au fameux 66 de la rue Comartin, dans un premier temps. Il ouvre là un cabinet médical. Alors il va faire d'ailleurs une sorte de publicité qui va faire de lui la risée de ses confrères. Parce que alors ça ressemble vraiment, vous savez, à une publicité de marabout distribuée dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, il va les distribuer lui-même, ces boîtes aux lettres, à bicyclette. Toujours, on le voit toujours à bicyclette, Petiot. Hein. Il fait lui-même sa propre publicité. Sauf qu'un jour, on est là en 1936, en avril 1936, il va commettre un vol à l'étalage, il va dérober un livre chez Gibert, hein, au Quartier Latin. Il va donc être arrêté pour ça. Et là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il va jouer sur sa maladie mentale. Et pour ne pas être condamné et incarcéré, pour ne pas être jugé pénalement, ce qui surtout lui aurait fait sans doute perdre le bénéfice de son doctorat, il aurait sans doute été déclaré inapte à la médecine par le Conseil de l'Ordre, eh bien, il va préférer se faire passer pour déséquilibré mental, et ce qui fait qu'on va le voir dans une maison de repos, etc. Puis au bout de 6 mois, il ressort, il reprend ses activités. Alors là, il prend des activités assez extraordinaires. On va voir les gens disparaître de plus en plus autour de lui. En mai 1941, on n'est quand même pas très loin dans l'occupation là, il a quand même pu acheter un hôtel particulier qu'il achète au nom de son fils au 21 de la rue Le Sueur, donc. Et c'est ici, c'est à ce moment, si je puis dire, qu'entre en scène un certain Van Bever, Jean-Pierre Van Bever, qui est un inadapté social qui vit avec une prostituée, Jeanne Gaulle. Or, on sait que cet homme-là est un toxicomane. Les policiers l'arrêtent. Ils vont arrêter sa compagne à la suite, et cette compagne annonce qu'elle est soignée par 5 médecins et que le docteur Marcel Petiot a délivré pour elle et pour Jean-Pierre Van Bever des ordonnances de complaisance. Donc on va s'intéresser alors là de plus près, évidemment, à Petiot. Sauf qu'on remet Van Bever en liberté provisoire, et que ça, c'était pas une chance pour lui, parce qu'un jour, eh bien, il va croiser Petiot au bar de l'hôtel où il résidait. Il dit au revoir à ses amis, je reviens dans un moment, dit-il, sauf que personne ne le reverra plus jamais. Lui non plus. Et puis il y a un autre cas, c'est le cas à l'affaire Raymond Baudet, qui est une autre toxicomane à laquelle Petiot avait proposé une cure de désintoxication et à laquelle il avait donné des ordonnances de complaisance aussi. Notamment, il avait fait certaines ordonnances au nom de la mère de Raymond Baudet, pour pas que les pharmaciens s'inquiètent trop. Il les avait donc faites au nom de Madame Kay. Sauf que cette Madame Baudet est arrêtée, elle est interrogée, elle va raconter tout ce qu'elle sait, et il faut très vite intervenir. Donc monsieur Petiot, enfin le docteur Petiot, va convoquer littéralement la mère de sa cliente, cette madame Kate, et que elle non plus, elle a dit à son mari, je rentre tout à l'heure, et on ne la reverra pas. Vous voyez que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'autour de ce personnage disparaissent de plus en plus de personnes, et à chaque fois il s'en sort bien, voire très bien. Alors avec de la prison avec sursis, avec des amendes un peu fortes, il a comme avocat, il faut vous dire, le plus grand maître du barreau de l'époque, un ténor extraordinaire, maître René Floriot. Ça va jouer un rôle très important, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Et puis surtout, on est pendant l'occupation, et Petiot va mettre, sous le nom du docteur Eugène, hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler, il va mettre sur pied toute une filière pour permettre à un certain nombre de juifs de s'enfuir. Oui, on est dans cette période terrible où les juifs cherchent tous les moyens possibles pour essayer de se mettre à l'abri, de se réfugier, et là, lui va se servir de tout ça. Il va monter tout un petit réseau avec des rabatteurs, hein, des rabatteurs qui s'appellent Roland Porchon, qui s'appellent Ariane Caen, qui est une Roumaine de 48 ans, qui s'appelle Fourier, qui est un posticheur rue des Mathurins, qui s'appelle Pintard, en fait, on le surnomme Francinet, etc. Et tous ces gens-là, de bonne foi d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas du tout le sort qu'attendent les réfugiés, tous ces gens-là vont rabattre, si je puis dire, du gibier dans les filets de l'infâme docteur Eugène, qui est en fait le docteur Petiot, bien entendu, jusqu'à ce que la police allemande s'intéresse à la question, bien entendu, pose des questions. Alors on va envoyer ce qu'on appelle un mouton, hein, c'est-à-dire un faux réfugié à Petiot, qui voit le vent venir, qui va aider cet homme-là à se sauver, et lui-même disparaît d'ailleurs. La police allemande va mettre la main sur ses rabatteurs, et ce sont eux qui vont le dénoncer, ce qui fait qu'il sera finalement arrêté au 60 66 rue Comartin. Le voilà incarcéré. Alors là, on lui fait subir toutes les tortures que vous pouvez imaginer et des tortures auxquelles il résiste d'ailleurs avec une force d'âme assez extraordinaire qui va faire que ses compagnons de cellule le considèrent quasiment comme un héros. Et ça va jouer aussi ça dans l'image de résistant, etc. qu'il va essayer d'accréditer par la suite. Toujours est-il qu'après quelques temps d'interrogatoire sans succès, le docteur Eugène est libre et qu'il va continuer sa terrible, sa criminelle industrie. Au début de 1944, écrit Alain Decaux, la Seine charrie des débris humains. Certes, il y en a toujours eu dans un fleuve de cette importance, mais cette fois, on en découvre beaucoup plus qu'en temps normal. Ce sont des têtes affreusement défigurées, crânes rasés, peau du visage arrachée. Ce qui attire l'attention du docteur Paul, le célèbre médecin légiste, ce sont les entailles que ces cadavres portent tous à une cuisse. Le docteur Paul constate là une habitude bien connue des praticiens qui se livrent à la dissection. Entre deux opérations, ils plantent leur scalpel dans la cuisse. Conclusion du docteur Paul, des cadavres ont été découpés par un médecin. Et oui, ces cadavres, on va donc les découvrir, je vous l'ai dit, rue Le Sueur, en mars 1944. Petiot est venu, il s'est quasiment livré à la police, mais il est gentiment, tranquillement reparti sur sa bicyclette. Et à partir de ce moment-là, va commencer ce que Claude Quettel appelle la chasse au Petiot. Bonjour Claude Quettel. Avec vous, nous allons revenir sur la poursuite, l'arrestation de Petiot, le procès extraordinaire. Et puis nous nous poserons cette question, cet homme-là était-il totalement fou ? Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'affaire Petiot, avec votre invité Claude Quettel, historien, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de l'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable, aux éditions Perrin. Alors Claude Quettel, il faut quand même raconter ce qui s'est passé pendant cette année 1944, la police sur les dents qui a laissé, non seulement qui a laissé partir Petiot, mais qui l'a même encouragé à s'enfuir parce que tout le monde l'a pris sur le coup pour un grand résistant. C'était ça l'histoire. Oui, alors on peut supposer que les deux agents qui ont laissé filer Petiot n'ont pas eu d'avancement. Mais donc effectivement, il disparaît sur son vélo avec sa remorque là, mais dans un Paris d'occupation. Oui, de toute fin d'occupation. Mais oui. Avec le blackout, on a peut-être un peu de mal à imaginer l'ambiance. Et donc il disparaît le 11 mars 1944, le jour de la découverte. Et on le recherche avec beaucoup, beaucoup de difficultés parce que, bien évidemment, les lettres anonymes, c'est très extraordinaire de consulter les dossiers de lettres anonymes. Oh ! Alors là, tout le monde dénonce tout le monde. Il y a des voyantes qui l'ont vu partout. Il y en a qui l'ont vu suicider, noyer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, l'ambiance, si je puis dire, n'est pas à la recherche policière, là, puisque il va y avoir le débarquement, il va y avoir la libération de Paris, etc. Donc, les esprits sont occupés ailleurs, et évidemment. Et ça, c'est tout le problème de est-ce qu'on aurait pu avoir un Petiot en dehors du contexte de l'occupation et de la libération. De même qu'on peut se demander si l'on aurait pu avoir un Landru en dehors du contexte de la Première Guerre mondiale. Exactement. Il y a vraiment, et ça m'a frappé en préparant cette émission, il y a un très grand nombre de points communs, de parallèles entre les deux affaires et les deux personnages. Oui, il y a un grand cousinage. Un grand cousinage. Landru favorisé par la Grande Guerre et Petiot favorisé par l'occupation et la libération. Ça, exactement. Alors, bon, on finit par quand même lui mettre la main dessus. Voilà. Le 31 octobre 1944, et alors là, ça fait partie de cet itinéraire absolument incroyable de Petiot, puisque il a non seulement réussi à se faire passer pour un résistant, mais il a pris du galon, il est capitaine Valéry des FFI. C'est ça, il a quand même trouvé le moyen au moment de la libération de Paris, et alors que toutes les polices le recherchaient, on peut imaginer, bien entendu. Hein. On avait déjà la conscience de l'incroyable quantité de crimes qu'il avait pu commettre, etc. Il a trouvé le moyen de venir s'installer, enfin pas s'installer, mais il revient à Paris, il s'engage dans les FFI, il se fait appeler Valéry avec un I. C'était d'ailleurs Valéry le nom du médecin qui possédait le cabinet dont il avait pris la succession Paris, en fait. Donc c'est incroyable, il a un culot. D'où vient cette espèce d'audace presque? On dit c'est un cynique, mais c'est plus que ça. C'est un inconscient. C'est tout le problème de la folie de Petiot ou de la non-folie de Petiot. Il n'y a pas que les fous qui mangent la moquette. Il y a aussi les fous tranquilles, les fous intelligents, ce qu'on appelait à l'époque d'un très joli vocable, les anormaux constitutionnels. J'adore ce terme. Mais je veux dire, bon, le fou tranquille, Potcher, qui commence sa carrière, le célèbre Potcher, l'appelle fou tranquille. Alors, toujours est-il qu'on lui met la main dessus, avec une provocation formidable, un journaliste qui est en même temps résistant et a fait un article Petiot soldat du Reich, et alors Petiot, alors que j'allais dire il y serait encore. Non, la guerre est finie. Mais quand même, il n'aurait jamais été attrapé s'il n'avait pas demandé à exercer son droit de réponse. Vous imaginez, ça, c'est incroyable. Vous avez tué 27 personnes, minimum. Au bas mot, que ça, ce sont ceux qui sont reconnus. Hein. Et vous demandez un droit de réponse. Bon, tout ça va quand même beaucoup dans le sens d'un Petiot qui est tout ce qu'on veut, sauf normal. Hein. Alors, on a trouvé, parce qu'il y a des éléments matériels dans cette affaire, hein. Alors je ne veux pas revenir dans tout ce qui peut y avoir de plus sordide, hein. J'en ai fait déjà un petit peu, j'en ai fait pas mal si je puis dire pendant ce récit. Plus les photos que je vous ai montrées. Avec les photos dont une d'ailleurs figure de façon assez artistique sur la couverture de votre livre, je dirais. Hein. Ce sont ces deux fameux corps qui se retrouvaient dans la fameuse chaudière et qu'on a demandé au docteur Paul de reconstituer. Et le docteur Paul dans son rapport écrit, je trouve ça assez drôle d'ailleurs, il dit à ce degré-là ça n'est plus de la médecine légale, c'est du puzzle, dit-il. Oui, voilà. Et il les a reconstitués. Il dit ça, il écrit ça au commissaire Massu. Qui est un peu le modèle de Maigret, disons. Oui, c'est le modèle de Maigret. Oui. Et en fait, ces corps ne sont que le début de toutes les preuves qu'on peut avoir. Alors, il y a les preuves en termes de corps, il y a tous les recoupements qui ont été faits sur les allées et venues du docteur Petiot, sur les coïncidences des disparitions des gens qu'il a comme par hasard systématiquement croisés dans les heures qui ont précédé leur disparition. Et puis il y a aussi tout, parce que il y avait ce réseau qu'il avait monté, il faisait croire à des gens, à des pauvres gens qu'ils allaient s'en sortir, qu'ils allaient être emmenés hors de la zone occupée, etc. Et puis ensuite exfiltrés même hors de France, etc. Et puis finalement, bien sûr, il les tuait. Et à Auxerre, chez les amis qui lui ont servi de complices involontaires, semble-t-il. Hein. On ne sait pas trop. Enfin, ils s'appellent les Neuhausen. Ça reste à prouver. On a retrouvé quand même 665 kilos d'objets divers, 90 robes, 28 complets d'hommes, 57 paires de chaussettes, 120 jupes, 26 sacs à main et une culotte de pyjama d'enfant. Ça, c'est terrible parce que la culotte en question, elle a été reconnue par la marraine du petit garçon en question, c'était René Kneller, qui était avec ses parents venu pour essayer justement d'échapper aux nazis. Et il l'a tué comme il a tué les adultes, en fait. Et tout ça dans 72 valises qui vont l'accuser de façon terrible. Dans le procès, vous avez eu raison de faire ce rapprochement avec Landru. Dans le procès, Landru, au milieu du tribunal, trône le fourneau, la fameuse cuisinière. Et la cuisinière. Et dans le procès, Petiot, vont trôner derrière lui quasiment une véritable falaise de 72 valises qu'il accuse quand même très, très, très lourdement. Parce que dans ces valises, il y avait aussi des objets de toilette, des objets usuels. Donc, de toute façon, si les valises sont là, c'est que les propriétaires des valises ne sont pas partis. Alors, vous dites, c'est intéressant que la presse judiciaire va jouer un rôle important, parce que la presse a été complètement soit muselée, soit totalement détournée pendant l'occupation, etc. Il y a d'autres procès à l'époque. Il y a eu tous les procès de l'épuration, plus ou moins respectueux des règles, d'ailleurs. Et puis, il y a eu les grands procès il va y avoir, plus exactement, les grands procès de Laval, de Pétain, etc. Grands procès politiques. Et au milieu de tout ça, il y a une affaire qui, elle, est une affaire de droit commun, une affaire criminelle, voilà, sur laquelle les journalistes peuvent se lâcher, en quelque sorte. Voilà, c'est la première, depuis la guerre, la première grosse affaire judiciaire de droit commun qui, effectivement, provoque un émoi médiatique colossal. C'est quand même une grosse affaire, hein, puisque l'acte d'accusation, c'est 27 crimes. Et puis, quand Petiot va partir dans son délire, enfin moi j'appelle ça son délire, lui il va en revendiquer 60, mais pas les mêmes. Mais en tous les cas, le procès a un retentissement extraordinaire. L'ouverture du procès, on s'arrache les places. Les invitations qui normalement étaient gratuites se vendent au marché noir. Oui, bien entendu. Et ce procès, bizarrement, il ne va pas avoir l'éclat qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu penser, je pense par exemple au procès de Landru, hein, justement, qui en soi est un grand spectacle. Le procès de Petiot, c'est plus complexe que ça. Il y a une sale ambiance, si je puis dire. Oui, mais le parallèle avec Landru, encore une fois, est tout à fait valable. Landru fait rire, oui, son auditoire, à commencer par les juges. Et il a un sens de la répartie extraordinaire. Presque une certaine élégance, on pourrait dire. Une élégance de l'esprit. Petiot part tout de suite dans un discours complètement halluciné, où il raconte qu'il est le chef d'un réseau de résistance qu'il appelle, tenez-vous bien, Alors, quand j'étais gosse, parce que ça existait encore, on appelait ça Flitox, mais en fait, le nom c'est Flytox. C'est-à-dire, c'était l'insecticide de l'époque, une espèce d'énorme pompe, un truc des années 50. Mais je veux dire, appeler un pseudo réseau de résistance que personne ne va reconnaître, mais du nom d'un insecticide, enfin, je veux dire, c'est le début d'une série de, même pas de défense idiote, mais d'un discours complètement à côté de l'accusation. Les morts de la rue Le Sueur, il connaît pas, c'est pas lui. On les a mis là, mais c'est pas lui. D'ailleurs, par contre, il a tué plein de gens. Des méchants. Des tapistes, oui, des voilà. Méchants. Oui, c'est ça. On est dans un délire que ni la cour, ni les jurés, et ni même le public et les journalistes ne peuvent suivre, évidemment. Il faut dire aussi qu'il n'a pas vraiment coopéré avec ses avocats, Petiot, et qu'il a très mal préparé sa défense. Au moment de préparer sa défense, il était en train d'écrire un livre, lui. Un livre sur le calcul des probabilités. Probabilité d'être exécuté. Les probabilités de se retrouver la tête sous la guillotine sont très grandes. Et là, c'est là qu'on, effectivement, on peut se poser valablement la question de la santé mentale de Petiot, parce que même avec un tout petit peu de présence d'esprit, il doit quand même bien comprendre qu'il s'en va tout droit vers la condamnation à mort. Évidemment. Et Maître Floriot, ce grand, ce formidable Maître Floriot... Celui qui disait toujours, il n'y a qu'un malheur. Quand il arrivait à la barre, il reprenait les arguments de l'accusation, etc. Et puis à un moment, il faisait un silence et il disait... Il n'y a qu'un malheur! Et alors, il retournait tout. C'était la grande tactique de Floriot. Oui. Et souvent, au lieu de dire le fameux nous de l'avocat, il disait je. Je, oui, j'étais rue Le Sueur. Ça dramatisait terriblement les débats. Mais quand même, Maître Floriot, ce grand avocat, ne plaide pas l'article, le fameux article 64 du Code pénal de la folie, de l'irresponsabilité au moment du crime. Alors voilà un type qui a été interné pour avoir volé un livre chez Gibert. Et on ne se pose pas sérieusement la question de la maladie mentale pour une accusation de 27 meurtres. Oui, c'est quand même assez incroyable. Là, il y a un vrai problème sur lequel nous allons revenir, si vous le voulez, dans un instant. L'effrayant docteur Petiot, avec sur la couverture de cet ouvrage de Claude Quettel, paru chez Perrin, la grande question qui va nous tenir maintenant, était-il fou ou était-il, vous dites, coupable, sous-entendu responsable de ses actes, en vérité. Alors, à l'époque, c'est l'article 64 du Code pénal C'est l'article 64 du Code pénal qui a été révisé il y a relativement peu de temps. Je n'ai pas Oui, c'est-à-dire que maintenant, on a établi une gradation, absolument, si je puis dire, dans le déséquilibre absolument mental. Il y a deux stades. Le stade d'être totalement irresponsable et celui de la responsabilité atténuée. À l'époque, ça n'était pas le cas. Non, c'est-à-dire que soit vous étiez fou, soit vous étiez sain d'esprit. C'est tout ou rien. Là, il a été jugé sain d'esprit puisqu'il a été guillotiné. Bon. Tout ou rien. Mais alors, quand on reprend la vie de Petiot, et j'ai donné quelques arguments tout à l'heure, un peu au hasard, parmi tous ceux qui pourraient servir de démonstration à sa folie, en fait, dès son plus jeune âge, on est en face d'un déséquilibré. Oui, les épisodes psychiatriques sont innombrables, et puis, vous savez, être considéré comme malade mental, enfin, à l'époque, on ne disait pas malade mental, on disait aliéné, fou, par une commission de médecins militaires à la fin de la Grande Guerre. Il fallait pouvoir le faire. Il faut quand même que ce soit assez net. Et donc, ce docteur, effectivement, selon moi, est assez fou. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être fou? C'est toujours le même problème. Il y a quand même une chose, moi, qui m'inquiète d'une certaine manière. Là, je crois qu'il faut quand même poser la question. Alors, mon but n'est pas de reporter la faute sur la société, mais tout de même. Voilà quelqu'un dont on sait qu'il est kleptomane. C'est sa réputation universelle. Même ses amis le savent. Voleur. Il est totalement manipulateur. Il raconte tout et n'importe quoi. Lorsqu'il s'est établi à Paris, je racontais ça rue Comartin, il va publier une annonce qui est tellement drôle qu'on dit qu'un certain nombre de ses confrères l'apprennent par cœur pour la réciter dans les banquets de médecins. Il rédige des ordonnances de complaisance à des toxicomanes. Une fois, deux fois, trois fois. Sans arrêt, il est des condamné années. À chaque fois. Son avocat, donc, qui est déjà Floriot, arrive à convertir de la prison avec sursis en amende, mais enfin, en attendant, il est condamné. Il est connu des services de justice. Comme vous dites, il a été examiné par une commission de médecins militaires qui l'ont déclaré malade mental. à 100% en 1920, à 100%. Et néanmoins, on le laisse accomplir ses études de médecine, monter des cabinets médicaux. Après ses différentes condamnations, il reprend systématiquement son activité, sa clientèle. Mais on se dit, mais quand même, quel laxisme incroyable de la part des autorités. Alors, soyons gentils avec le conseil de l'ordre des médecins, oui, voilà, qui est en train de naître. Un petit haut d'aujourd'hui ne pourrait plus très rapidement exercer la médecine. Cela dit, ça n'empêcherait peut-être pas de faire le sale boulot qu'il a fait pendant l'occupation, parce qu'il ne l'a pas fait en tant que médecin. Bien sûr, il ne l'a pas fait en tant que médecin. L'un des grands mystères petit haut, puisque, alors, revenons en parallèle avec Landru. C'est deux, alors, allez, on va dire, allez, quand même, criminels célèbres. Mais enfin, ils sont criminels, pour moi qui suis historien, à 97,5%. Ah bon? Pas à 100%. Alors quand est-ce qu'on les a pris la main dans le sac? Quand est-ce qu'on... Il y a l'ADN à l'époque, ça n'existe pas. Il y a un faisceau énorme, terrible de présomption qui va les faire condamner l'un et l'autre, mais ils n'ont ni l'un ni l'autre avoué. Non, ça c'est vrai. On ne sait... Un autre point commun. On ne sait pas, dans un cas comme dans l'autre, comment ils procédaient. Exactement. Oui, on dit tout ça se termine dans le fourneau. Oui, d'accord. Mais quand même, mais avant, mais... Et puis quand même, ce médecin marron, très fou, comment est-ce qu'il va, pratiquement d'un mois sur l'autre, basculer dans le rôle de tueur en série? Parce que signer des ordonnances de complaisance pour des toxicomanes, c'est une chose, mais commencer à tuer des malheureux juifs, mais pas seulement des juifs, hein, c'est aussi des truands en cavale. Oui, d'ailleurs, au départ, tous ses premiers clients, si je puis dire avec de grands guillemets, étaient des membres du milieu, Les tuer, les tuer pour les détrousser, ensuite les dépecer, les faire brûler dans des chaudières. Je veux dire qu'il y a quand même là une espèce de marche énorme à franchir. Alors je pense qu'on m'en voudrait, Claude Quettel, de ne pas intervenir dans ce que vous dites sur le parallèle entre Landru et Petiot pour ce qui est de la culpabilité. C'est vrai que dans le cas de Landru, même si le faisceau d'indices, comme vous dites, est plus que concordant, hein, c'est vraiment le doute est très très très très faible. Mais enfin, faible. Après tout, on n'a jamais retrouvé les corps. Dans le cas de Petiot, il y a d'abord des complices, il y a des lieux, il y a un nombre de signatures, si je puis dire, telles qu'on ne peut quand même pas mettre en doute sa culpabilité. Alors, je n'ai pas vraiment mis en doute sa culpabilité, mais j'ai quand même introduit le doute. Mm-hmm. Ça, c'est, vous savez, c'est comme ça, les historiens, ils posent les questions plutôt que d'y répondre. Mais quand même, d'abord, vous parliez de complicité. C'est encore un des mystères de l'affaire Petiot. Selon moi, son épouse, son frère... qui gère Maurice Petiot. Qui quand même a livré 400 kilos de chaux vives. Hein. Qui livre de la chaux vive. Ces gens-là d'ailleurs qui sont inculpés dans un premier temps, et puis qui ne le sont plus dans un second temps. Pour moi, bon, des complicités, oui, il y en a certainement eu. Ça fait partie du mystère Petiot. Mais encore une fois, ce qu'il y a en commun, je prends d'autres assassins célèbres, Lassner, le fameux Lassner, il confesse ses crimes avec complaisance. Vacher, le juge et l'assassin, confesse une partie de ses crimes. D'ailleurs, Lassner dit même, je trouve ça absolument extraordinaire comme formule, il dit qu'il avait décidé de se suicider par la guillotine. Ça, il fallait le trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que ni Landru, ni Petiot n'avouent. Non, mais ça, bien sûr. Ils n'avouent pas et ils ne sont pas confondus par des preuves irréfutables. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de présomptions. Alors, ça ne veut pas dire que ça les concordant, nous dira la justice. Oui, mais moi j'aurais été juré, je me serais probablement prononcé moi aussi pour la culpabilité. Mais l'historien fonctionne un peu différemment. Oui, non, ça je comprends très bien. Alors, à partir du moment où Petiot est arrêté, on lui présente toute cette extraordinaire accumulation de preuves et il est totalement absent face à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il rejette tout, en vérité. Il dit que ce ne sont pas ses crimes. Voilà. Il dit « ce ne sont pas les miens », au sens des gens que j'ai exécutés. J'en ai exécuté beaucoup plus, j'en ai exécuté une soixantaine. Il dit qu'il a exécuté les Allemands. Lui. Mais ce ne sont pas les miens. Moi, voilà, j'ai exécuté des Allemands, je les ai enterrés au bois de Boulogne, je les ai jetés dans la Seine, mais ce ne sont pas les miens. Ceux-là, c'est un coup monté, moi je ne... Ou alors c'était mon réseau Flytox, comme on disait. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a retrouvé les effets des victimes. On a parlé de toutes ces valises, cette énorme masse de costumes, de robes, 72 valises. Enfin, ça fait des centaines de kilos d'effets. mais on n'a pas retrouvé le magot. Voilà, parce que... Oui, les trésors, si je peux dire. Oui, parce que toutes ces malheureuses victimes partaient avec leurs économies, leurs bijoux. Lorsque les truands, il y a une demi-douzaine de truands qui essaient de s'enfuir comme ça, ils partent certainement avec des lingots d'or, avec des devises, des dollars. Donc, on pense que le magot, on arrête avec Petiot, pas forcément coupable. On dit, bon, Petiot coupable. Petiot a dû amasser une fortune qui aujourd'hui serait de l'ordre d'un demi-milliard d'euros. Enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et alors, on ne retrouvera jamais ce magot. Ouais. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire... Dans le cas de Landru, on ne retrouve pas les corps, mais dans le cas de Petiot, on ne retrouve pas le magot. On ne retrouve pas le magot. Et alors ça n'est pas le moins extraordinaire de l'histoire, c'est que une fois qu'il va être exécuté, parce que il va quand même être exécuté dans des circonstances d'ailleurs assez horribles, parce que c'est la première fois qu'on fait remarcher la guillotine. C'est le premier exécuté de la libération. C'est une histoire assez épouvantable. En 1946. Et alors il va y avoir tout de suite des acquéreurs pour l'hôtel de la rue Le Sueur. Alors, entre nous soit dit. Le 21, le film qui triomphe à l'époque s'appelait L'assassin habite au 21, de Clouseau, qui est un film très amusant, très bien fait. Et alors, on va démonter cet hôtel, pierre par pierre, en espérant retrouver le magot. On ne retrouvera jamais le magot de Petiot, qui d'ailleurs, peut encore être recherché aujourd'hui. À moins que certains ne l'aient gentiment écoulé et en aient profité. Ce serait le problème de la complicité. Le frère est mort d'un cancer peu de temps après, il vivait pauvrement. Alors, il y a quand même le fils Petiot qui disparaît en Amérique latine, sans passeport ni papier normalement constitué. La femme de Petiot, la mère, va le rejoindre. Donc on perd un peu leurs traces. Est-ce que c'était eux qui géraient le magot Petiot? On ne saura jamais, mais ce qui est certain, c'est que c'était un gigantesque magot. En tout cas, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, comment expliquer le basculement de Petiot de crimes qui sont de deuxième ordre à des crimes de sang épouvantables et qui deviennent peu à peu des meurtres en série, organisés avec tout un processus à suivre, etc. On a envie de dire qu'à une échelle supérieure, il y a eu le même basculement dans la vie de Landru, qui passe lui aussi de prévarication diverses en crimes de sang, et dans les deux cas, qu'on le veuille ou non, c'est bien le contexte de la guerre. Dans le cas de Landru, il l'a dit clairement, qu'il y avait tellement de morts autour de lui qu'après tout, ça n'était que quelques-uns de plus. Dans le cas de Petiot, il ne l'a jamais dit, mais il y a bien ce climat, il y a bien ce contexte de la guerre qui va le faire passer à l'acte d'une certaine manière. Absolument. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est peut-être après tout le premier mort qui coûte. Oui. Je crois que quand ce pas est franchi de tuer son prochain une fois, pourquoi pas deux, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30, là on est à 20, minimum 27. Eh ben c'est sur cette belle leçon de morale que vous nous donnez, Claude Cattel, que nous allons conclure, refermer pour un moment ce dossier Petiot, l'effrayant docteur Petiot. C'est l'ouvrage que vous publiez chez Perrin, avec cette question que vous posez, mais à laquelle il est somme toute très difficile de répondre. Était-il fou ou était-il coupable, c'est-à-dire était-il sain d'esprit? Vous me permettrez de penser qu'il n'était quand même pas tout à fait net. Non. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Sylvain qui souhaite connaître l'origine du lever de pouce pour faire de l'autostop. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Sylvain, il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Sylvain aimerait connaître l'origine de la pratique qui consiste à lever le pouce pour faire de l'autostop. Alors je vous avoue que c'est un peu une colle que m'a posé Sylvain. Pourquoi ce geste de l'autostop? Ce qui est certain, c'est que les pouces en l'air, depuis très longtemps, depuis le 17e, 18e siècle, est un signe d'arrêt. Vous savez, on faisait signe dans les manœuvres, notamment on lève le pouce pour faire arrêter. Pourquoi? Probablement parce que les cochers, lorsqu'ils tiraient sur les freins, dans les voitures hippomobiles, levaient les pouces eux-mêmes. Et donc c'est un geste, on peut imaginer que c'est pour cette raison. Mais en même temps, ça n'est pas une certitude. Ce qui est certain, c'est que le pouce en l'air a depuis la haute antiquité est un symbole positif d'une certaine manière. Rappelez-vous, dans les arènes à Rome, le pouce au sol pour indiquer quand le public veut que le gladiateur meure, et au contraire le pouce levé pour assurer sa survie. Selon Philippe Vandel, dans son ouvrage « Les pourquoi en images », les Romains eux-mêmes avaient cherché à comprendre pourquoi ce pouce levé devait être perçu comme un geste positif. Alors il semble semblerait, mais c'est une explication qui est un petit peu tirée par les cheveux, je suis tout à fait prêt à l'admettre, il semblerait que les bébés, au tout début de leur vie, se tiennent poings serrés avec le pouce caché dans la main, et puis que, au fil du développement, l'enfant, peu à peu, ouvre la main, qu'il libère son doigt, son pouce, et qu'à l'inverse, au moment de la mort, la main va de nouveau se refermer en enserrant le pouce, ce qui veut dire que le pouce libre, en quelque sorte, serait un symbole vital, un symbole de vie, donc un geste favorable. Vous voyez que l'explication est un tout petit peu tirée par les cheveux, mais ça pourrait s'expliquer. Alors pourquoi est-ce qu'on lève le pouce et qu'on agite le bras pour arrêter les automobiles? Je ne suis pas persuadé de pouvoir répondre à Sylvain, malheureusement. Ce que je peux lui dire, en tout cas, c'est qu'on fait ça depuis très longtemps, puisque cette pratique de l'autostop existe quasiment depuis les débuts de l'automobile. Hein. Très vite, on a pris l'habitude comme ça de prendre des passagers, de prendre des autostoppeurs, pour employer le terme tout à fait contemporain. Dernière petite indication, il faut faire attention, il ne faut pas lever le pouce n'importe où, hein, parce qu'au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest ou en Amérique latine, ça peut être tout à fait confondu avec un autre geste qui consiste à montrer le majeur, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. On voit très bien ce que vous voulez dire. Alors nous parlons aujourd'hui de la chirurgie de l'intime. Labioplastie pour rétrécir les petites lèvres, allongement du pénis. Pour qui est-ce indiqué? Quels sont les bénéfices et les risques? Je suis sûre que ça vous intéresse, Franck. Les réponses des experts, vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Eh bien, merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline. À demain, Franck.